السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc je m'excuse pour le retard, là j'ai terminé l'explication. Donc inshallah, nous allons essayer de terminer aujourd'hui l'explication donc des quatre règles. Et la semaine prochaine, inshallah, nous commencerons soit les annulatifs de l'islam ou soit la définition de la foi en Allah. Donc nous avons déjà vu l'introduction que nous avons expliquée, basée sur les explications de Cheikh Ubay Jabri et de Cheikh Mohamed Ibn Al-Jami rahimahullah. Puis nous avons vu la première règle, les explications de la deuxième règle, et nous en étions à la troisième règle. Tout est enregistré, déjà tout est sur le net, donc les gens ils peuvent revoir dessus, Inch'Allah, d'accord. Il suffit juste de taper Karim Ben Amour Islam et vous allez trouver, Inch'Allah, les cours sur les quatre règles, Inch'Allah. Et c'est juste pour essayer de ne pas perdre de temps pour m'assurer qu'on termine, Inch'Allah, aujourd'hui. Là. Donc nous en étions à la troisième règle, d'accord. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو ويكون الدين كله لله. Et donc, la troisième règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu chez des gens. Nous avons déjà expliqué cette partie-là, hein, mais je le relis, inshallah, rapidement. Donc, il est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait qui adoraient les anges, il y en avait d'autres qui adoraient les prophètes, d'autres qui adoraient les pieux, d'autres les pierres, d'autres les arbres, d'autres le soleil et la lune. D'accord ? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence dans cela. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence dans cela. Il les combattit tous sans distinction lorsqu'il les invitait à unifier Allah azza wa jal. D'accord ? En leur montrant les preuves. Il n'a pas fait de distinction entre quelqu'un qui adorait un homme pieux et quelqu'un qui adorait une pierre. D'accord ? Pourquoi il n'a pas fait de distinction ? Parce que c'est du shirk, barakallahu fik. Parce qu'en fait, la personne, elle a voué l'adoration à autre qu'Allah. Donc, qu'elle le voue à une pierre, ou à une date, ou à un mur, ou à une tombe, ou à un ange, ou à un homme pieux, il n'y a pas de différence dans cela. C'est vouer une adoration pour autre qu'Allah. Donc, c'est pour ça que, yani, cela est strictement interdit. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les invitait à cela. Et avec, bien sûr, les preuves. Et nous avons vu... Donc nous avons vu les preuves concernant le soleil, l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil. Wa dalil al-shams wal-qamar qawluhu ta'ala wa min ayati al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar la tasjudu lish-shams wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil. Donc le shikh, à chaque fois lorsqu'il dit une chose, il ramène une preuve. C'est lié tout le temps à une preuve, d'accord? L'indication qu'il y en avait qui adoraient le soleil et la lune est la parole d'Allah le Très-Haut. Dans Sourate Fussilat, la traduction au sens du verset 37, parmi ces merveilles, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Si c'est lui que vous adorez, vous vous prosternerez que devant Allah, Azza wa Jalla. Et nous en étions, barakallahu fikum, à l'épreuve sur ceux qui adorent les anges. والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. Dans la traduction du sens du verset 82 sourate Ali Imran et l'indication qu'il y en avait. Donc, avant de lire la traduction. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les anges et la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction au sens du verset, et il ne va pas vous commander de prendre pour seigneur anges et prophètes. Donc, on en était là. الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة. Donc ça c'est l'explication de Cheikh Mohamed Amin al-Jami, rahimahullah, un très grand savant, qui était très très fort et qui est très très recommandé dans tout ce qui est dans la croyance. Il était très pointilleux, très détaillé. Donc, celui qui n'est pas un seigneur, un créateur, hein, il ne mérite pas l'adoration. D'accord ? الذي لم يكن ربا خالقا رازقا لا يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الرب الخالق المربي. Celui qui n'est pas un seigneur, créateur, pourvoyeur de la subsistance ne mérite en rien l'adoration. Celui qui ne peut pas créer, celui qui n'est pas un créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Celui qui n'est pas un créateur, il ne mérite en rien l'adoration. D'accord ? Celui qui mérite l'adoration, c'est le Seigneur, le Créateur. Celui qui éduque, celui qui pourvoit, qui donne la subsistance. Seul lui mérite l'adoration. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الأنبياء. Donc, et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les prophètes, c'est la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 116 de Sourate Al-Ma'ida, rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi ?» Yani Jésus c'est en français, mais le mieux c'est d'utiliser en arabe « Isa », d'accord ? Et Marie, pareil, c'est mieux d'utiliser en arabe « Maryam ». Donc là, on lit comme c'est traduit. Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. فتعلم ما في نفسي بأنك عليم بذات الصدور ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Tu sais ce qu'il y a en moi, ô Allah, car Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, tu es en vérité le grand connaisseur de ce qui est inconnu. دليل على عدم عبادة الأنبياء. الأنبياء ولو كانوا من أولي العزم ولو كان أشرفهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستحقون العبادة ولا يرضونها ومن عبدهم بغير رضاهم بغير علمهم إنما يعبد الشيطان في واقعه الذي زين لهم عبادة الأنبياء. وعليكم السلام ورحمة الله. وهم براء من عبادة من عبدهم. Donc il y a également dans le verset. Il y a également dans le verset. La preuve de l'interdiction d'adorer les prophètes. Les prophètes, même s'ils font partie des meilleurs des gens, même si leur imam des prophètes c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, aucun d'eux ne mérite l'adoration. Aucun d'eux ne mérite l'adoration. Ce sont des créatures, d'accord ? Aucun d'eux ne mérite l'adoration. Et ces prophètes, eux-mêmes, n'agréent pas qu'on leur voue une quelconque adoration. Ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas. Hein? Vous voyez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. Qu'est-ce qu'il disait ? لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes en tant que lieu de prière. Hein? Donc ils ne l'acceptent pas les prophètes, qu'on leur voue une quelconque adoration. D'accord ? Et alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ils ne l'acceptent pas. Et qui les adore ? Qui adore les prophètes sans leur consentement ni leur savoir ? Déjà qu'ils refusent cela. Mais qui adore les prophètes sans leur consentement et leur savoir ? Cela adore en vérité le diable. Cela adore en vérité le diable qui leur a embelli l'adoration des prophètes alors que les prophètes se désavouent de l'adoration qu'il leur est vouée. Le message du prophète, c'est le tawhid. Il est venu pour inviter les gens à vouer leur adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal seul. Il n'est pas venu pour dire adorez-moi. A'oudou billah. Non. Même lorsque vous voyez dans les écrits de la Bible, par exemple. Alors, ceux qui prétendent que Jésus, Isa alayhi salam, eh bien, c'est. Certains disent, les jacobites, les nestoriens, les monothéistes se sont divisés, d'accord ? Et les jacobites et les nestoriens, ils se sont réunis pour combattre les monothéistes. Ceux qui étaient restés sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. C'est-à-dire que ils obéissaient, ils suivaient le prophète Isa, alayhi salam, et ils vouaient l'adoration à Allah, azza wa jal seul. Ceux-là, ce sont des musulmans, ceux-là, d'accord ? Mais les autres qui se sont divisés, hein ? Alladhina tanassaru, ceux qui se sont rendus, hein, qui ont fait leur propre religion, eh bien ceux-là, un groupe parmi les jacobites et les nestoriens, donc il y en avait un qui disait Jésus c'est le fils de Dieu, l'autre qui disait c'est Dieu. D'accord ? Mais cependant, il n'y a rien dans leur livre qui indique cela. C'est ça qui est étonnant. Il n'y a rien dans leur livre qui indique cela. Et vous trouverez dans la Bible, cependant, que c'est bien décrit que Jésus s'isolait dans la montagne pour adorer son Seigneur. Pourquoi il s'isolerait dans la montagne ? Pour adorer son Seigneur. Son message était clair. Que les gens vouent leur adoration car Allah, Azza wa Jal, il n'a jamais dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». D'accord ? Donc, tous les prophètes, hein, l'islam c'est la religion de tous les prophètes. D'accord ? Il ne faut pas avoir d'ambiguïté sur cela. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste, c'est l'islam. Il n'y en a pas trois. D'accord ? On est bien clair, il n'y en a pas trois. Ceux qui disent qu'il y en a trois, ils parlent avec ignorance. Ils parlent sans savoir. Et ils disent des énormités. D'accord ? Parce que la seule religion monothéiste, c'est celle qui voue exclusivement l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Et c'est quoi ? C'est l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes, ils avaient la même religion. C'est l'islam. D'accord ? Ce qui a différé ensuite, c'est dans la législation, dans les actes d'adoration. D'accord ? Et à chaque fois qu'il y avait un prophète qui venait, ça abrogeait le message qui était précédent. Donc, le dernier message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça abroge tous les précédent message. Donc tout le monde se doit de suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais on doit croire à tous les prophètes et messagers envoyés par Allah Azza wa Jal. Donc celui qui veut vouer l'adoration à un prophète, il est en fait en toute vérité en train d'adorer le diable qui lui a embelli cela. D'accord ? Ziyadatan ala hadha al-ma'na fi ithbat an-nafs lillah ta'ala ala ragm inkar al-asha'ira ahyani. Qala Allah ta'ala ويحذركم الله نفسه. C'est clair. Les versets sur cela, ils sont clairs. يجب إثبات النفس لله تعالى كما وصف نفسه بالنفس. كما وصف نفسه بالنفس. Un point à souligner aussi dans ce verset, dans l'affirmation et la confirmation du nafs d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Contrairement aux Asha'ira qui renient cet attribut-là. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset 30 de Sourate Ali Imran, Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Il est donc obligatoire d'affirmer et de confirmer ce qu'Allah s'est lui-même attribué. Hein? Allah Azza wa Jal s'est attribué qu'il a un nafs. Eh bien, on le confirme. On le confirme. Wa nuthbitu lahu an-nafs wa nuthbitu lahu al-yad wa nuthbitu lahu al-wajh wa nuthbitu lahu kullu ma athbata li nafsihi aw athbathahu rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa fi ithbatina la nubaligh ila darajati at-tashbih ila darajati at-tashbih aw at-tamthil bi an yuqal nafsuhu ka nufusina وَيَدُّهُ كَأَيْدِينَا وَوَجْهُهُ كَوْجُوهِنَا. Donc ça, c'est strictement interdit de faire cela. بَرَكَلُوا فِيكُمْ هَذِهِ مُبَالَغَ فِيهَا التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ كَذَلِكَ لَا نُبَالِغْ فِي التَّنْزِيهِ إِلَى دَرَجَةِ يعني نفي الصفات. ولكن عقيدتنا دائما وسط بين التشبيه والتمثيل وبين التعطيل والتحريف. Nous confirmons à Allah عَزَّ وَجَلْ qu'il a un nafs. Nous le confirmons, c'est Allah qui l'a dit. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Donc il y a des règles dans cela. C'est ce que, je pense que c'est mieux de voir, Inch'Allah, la semaine prochaine sur l'explication de la foi en Allah, Azza wa Jal, pour bien détailler, Inch'Allah. Donc nous confirmons à Allah, Azza wa Jal, qu'il a un nafs. Parce qu'Allah, Azza wa Jal, se l'est confirmé. Donc on ne va pas le renier. Et nous lui confirmons la main. Et nous lui confirmons le visage. Puisque c'est Allah, Azza wa Jal, qui se décrit comme cela dans le Coran. Et aussi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui confirmons en fait tout ce qu'Allah azza wa jal s'est lui-même confirmé. Tout ce qu'Allah azza wa jal s'est lui-même confirmé, il est du devoir du musulman de le confirmer. Sans tomber, sans exagérer dans le fait de vouloir faire des parallèles entre Allah azza wa jal et la créature. C'est strictement interdit. Allah azza wa jal dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. D'accord ? Donc il faut, comme l'imam, on fait comme l'imam Malik, rahimallah, comme il a dit. D'accord ? Lorsqu'un homme est venu le voir, un homme est venu le voir lui demandant Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Kaif. Donc le miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Il voulait savoir l'istiwa. Comment ? Alors, dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, les noms et attributs, ça fait partie donc du Tawhid al-Uluhiyya, pardon, Tawhid Allah fil asma'i wa sifat. Wahdaniyat Allah fi asma'ihi wa sifati. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses parfaits noms et attributs. Allah Azza wa Jal, il est unique dans cela. Rien ne lui ressemble. D'accord ? Donc, si Allah Azza wa Jal l'a dit, si Allah Azza wa Jal a dit, qu'il avait un visage, qu'il avait un nafs, qu'il avait des mains. On l'agrée sans faire de parallèle en pensant que ses mains, c'est comme les nôtres. Ça, c'est strictement interdit. Strictement interdit. D'accord ? Donc, on agrée ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Et on ne tombe pas dans l'erreur des Asha'ira. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Asha'ira, c'est qu'ils ont renié des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ou ils ont changé la signification. Pour istiwa, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Le fait qu'Allah Azza wa Jal s'élève au-dessus de son trône, ils ont dit estaoula. Ils ont changé le sens là. Changé le sens complètement, ça s'appelle du tahrif ça. Changer le sens, c'est comme les juifs qui ont changé, yani, qui ont modifié leur livre, comme les chrétiens qui ont modifié leur livre, d'accord ? Ça c'est le fait de changer. Ils te disent estaoula. Estaoula, mais qu'est-ce que ça veut dire estaoula ? C'est le fait de reprendre pouvoir sur une chose. À croire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé l'Arsh, il a repris pouvoir sur lui. À croire que lui-même, il avait du pouvoir sur Arsh-là. Il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc souvent, lorsqu'il y a des gens qui se disent Asha'ira, qui se disent Maliki en même temps, il y a une contradiction. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible, il y a Ekhi, d'être Maliki et d'être Asha'iri. Ce n'est pas possible. Parce que l'imam Malik, rahimallah, si on est sincère, on dit ce que l'imam Malik a dit. L'homme lui est venu, il lui a dit « Al-istiwa ma'loum, Le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé, c'est une chose qui est connue, puisqu'Allah Azza wa Jal l'a dit. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Il a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi au-dessus de son trône. Donc il a dit, istiwa ma'loum, Allah Azza wa Jal nous a donné une information dessus. وَالْكَيْفِيَ مَجْهُولُ. Seulement le comment, on ne sait pas. Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné d'informations sur cela. On ne sait pas. Ni Allah Azza wa Jal, ni son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit ? وَالسُّؤَالْ عَلِي بِدْعَ. Et interroger dessus, vouloir savoir comment, c'est une innovation. Et je te vois parmi les égarés, qui veulent égarer, et il a ordonné de le faire sortir de la mosquée. On doit se tenir à ça. On atteste ce qu'Allah Azza wa Jalla a testé, sans vouloir changer. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Parce que le jour de la résurrection vient, et on y arrivera, Allah Azza wa Jalla arrive, et des rangées d'anges qui arrivent. Tu dis ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, sans vouloir dire comment, sans vouloir dire c'est comme nous, ou c'est comme notre déplacement, ou c'est comme... Jamais. Tu attestes et tu t'arrêtes là. Parce que tu ne vas pas renier le Coran. D'accord ? Les prédécesseurs des Ash'ari, c'était les Mu'tazila. Et Abu Hassan al-Ash'ari, avant d'avoir cette secte-là, l'Ash'ari, il était Mu'tazili. Les Mu'tazila, ce sont ceux qui ont renié tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils ont renié tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils en sont arrivés à dire quoi ? Le Coran, on avait vu, c'est quoi le Coran ? C'est... Le Coran. Kalam Allah. C'est la parole d'Allah. Et Kalam Allah, ça fait partie de Tawhid al-Asma wa Sifat, parce que c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Donc eux, comme ils ont renié tous les noms et attributs, ils sont dans un problème. Parce que le Coran qui est la parole d'Allah, alayhi wa Kalam Allah, Sifa min Sifat Allah, ça fait partie d'un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc ils ont dit quoi ? Ils ont dit, eh bien, Allah Azza wa Jal a créé une voix, et cette voix-là a récité ces versets-là. Donc ils en sont arrivés avec cette innovation dans la croyance en disant que le Coran a été créé. Astaghfirullah. Celui qui croit ça, c'est du kofr. C'est de la mécréance. Il est interdit de croire cela. Le Coran, c'est Kalam Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal l'a clairement dit. Et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit. Khayr al-kalam, kalam Allah. Donc, c'est pour ça que, mais on verra ça, inshallah, dans le détail. Donc, mais ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, il faut l'attester. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, non, tu ne dois pas dire, waja'a rabbuka, tu ne dois pas le comprendre. Tu dois dire, waja'a amru rabbuka. L'ordre d'Allah est venu. Il ne faut pas changer le sens. Il faut dire comme Allah Azza wa Jalla a dit. Ce qu'Allah Azza wa Jalla s'est attesté, on l'atteste. Sans dépasser l'exagération en tombant, en voulant dire que c'est comme nous, c'est strictement interdit. D'accord ? Il y avait un parmi les salaf salaf, un parmi les pieux prédécesseurs. J'essaie de me rappeler son nom. Abdurrahman ibn Mahdi, je pense. Il y avait un jeune homme, on fait, de toute façon je vous le redirai parce qu'on le fera ça, inchallah, la semaine prochaine. Il y avait un jeune homme qui était dans le tashbih. Il voulait faire ressembler la créature avec Allah Azza wa Jal. Il se disait, comment est Allah, comment est Allah, comment est Allah. C'est strictement interdit, ça. Et donc, il essayait de se dire comment. Il a dit déjà, donc il est venu le voir, ce pieux prédécesseur-là, il lui a dit déjà, il faut déjà qu'on essaie de comprendre comment sont les créatures avant de penser au créateur. Il lui a dit, vas-y, je vais avec toi. Il lui a dit, donc si on prend l'exemple, Allah Azza wa Jal donne les exemples des anges. Il dit qu'il y a des anges, ce sont des créatures. Il dit qu'il y a des anges qui ont deux ailes. Il dit, admettons, deux ailes. Bon, deux ailes, ils peuvent, un à droite et un à gauche. Mais il a dit, mais ceux qui ont trois ailes, donc où est la troisième aile et où est-ce que tu la placerais et comment elle fonctionnerait. Donc il a bloqué son cerveau. Il ne savait pas quoi répondre. Et il a fait la repentance, la tauba, du تمثيل qu'il était tombé de là, le fait qu'il voulait faire une apparence avec Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que non. On confirme ce qu'Allah Azza wa Jalla a confirmé sans tomber dans les ressemblances et tout ça là, c'est strictement interdit. Mais tu dis ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Tu ne réfutes pas les versets d'Allah et tu ne modifies pas les versets d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Allah Azza wa Jalla est clair. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. De même, donc n'exagérons en rien comme d'autres croyances égarées ont fait en reniant les attributs ou certains attributs d'Allah Azza wa Jalla, ce que j'ai expliqué. Donc notre croyance, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, si une personne veut faire partie des gens de la Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? C'est la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Tu veux faire partie de cela? Eh bien, tu dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que les Sahaba ont dit. Tu dis comme eux. Tu as la croyance comme eux. D'accord? Tu as la croyance comme eux. Ce n'est pas une croyance différente et croire faire partir quand même de Ahl Sunnah wal Jama'a. Subhanallah. Ça ne peut pas être, vous voyez? Lorsque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté se divisera et toutes les narrations sont authentiques sur cela, comme je l'avais déjà expliqué auparavant. Lorsque sa communauté se divisera en 73 groupes, tout en enfer excepté une, il a dit « Man kana ala mitli man alayhi liyum wa ashabi » ceux qui se seront sur ceux que je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Donc si tu as la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, alhamdoulilah. Mais si tu veux philosopher, n'essaie pas d'espérer de faire partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord ? Barakallahu fik. Parce que tout est clair dans la religion, tout est référencé. Donc celui qui veut parler, il a les preuves très claires. C'est pas un truc, c'est pas comme certains peuvent croire qu'il y a certains aspects qui ne sont pas clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a tout enseigné. Comme dans le hadith de Salman, al-Farisi, radhiyallahu anhu, lorsque le juif est venu le voir, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui dit « Allamakum nabiyukum kulla shayin hatta al-khira'a » Votre prophète vous a enseigné tout, même ce que vous devez faire lorsque vous êtes aux toilettes. Ce que vous devez faire, dire, comment vous nettoyez, tout ça. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, qui a attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a tout enseigné. Et Abi Dhar, radiyallahu anhu, a dit « Qubida al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fis sama'i illa wa qad taraka lana minhu ilma » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé et il n'y a pas un oiseau qui bat des ailes dans les cieux excepté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un savoir dessus. Donc tout est clair. D'accord ? Donc ceux qui veulent jouer dans les équivoques, ils vont essayer de faire croire aux gens, non, il n'a pas tout, quand même tout expliqué. Subhanallah. Il a tout expliqué. D'accord ? Barakallahu fikum. Wa dalil as-salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les personnes pieuses et la parole d'Allah, dans la traduction du sens du verset 57 de sourate Al-Isra, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. قال الشيخ محمد بن الجامي رحمه الله أولئك الذين يدعون أي يعبدونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة الذين يعبدون العابدون من المشركين من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون القرب إلى الله بأي شيء بالإيمان والعمل الصالح. Donc ceux qu'ils invoquent, allez, dans le verset là, traduction du sens. Ceux qu'ils invoquent. Donc les gens, lorsqu'ils vont invoquer les personnes pieuses, ceux qu'ils invoquent. Eh bien déjà, ces personnes pieuses-là qui sont invoquées, ces personnes pieuses-là, elles-mêmes recherchent le fait de se rapprocher d'Allah. Elles-mêmes recherchent le fait de se rapprocher d'Allah. Elles recherchent le plus comment elles pourraient se rapprocher de leur Seigneur. Ce que les polythéistes adorent parmi les anges et les personnes pieuses, eux-mêmes demandent et cherchent à se rapprocher d'Allah. Mais comment ? Comment une personne pieuse veut se rapprocher d'Allah ? Par la foi correcte et les bonnes œuvres. Les iman ou l'amal salih. La foi correcte et les bonnes œuvres. Donc, وكيف يعبد عبد يعبد الله. Donc il pose le shir cette question-là. Comment et pourquoi adorer un serviteur qui adore Allah? Pourquoi adorer quelqu'un qui adore Allah? Subhanallah. Ils délaissent Allah Azza wa Jal, ils adorent quelqu'un qui adore Allah. Hum abidun lillah, ya'budun Allah, wa yatlubun al-qurba min Allah, bi'ibadatihim, wa kathrati ta'atihim, wa kayfa yastahiqu al-abdu al-ibada, al-abdu al-miskin, الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه ويتضرع إلى الله لينجو من عذاب الله وغضبه لينال رضاه وليشكر على التوفيق الملائكة والأنبياء والصالحين كيف يستحقون العبادة لا يستحقون العبادة ولا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بل كما سمعتم ينهون الناس عن عبادة أنفسهم les anges. Les prophètes, les personnes pieuses, ce sont des serviteurs d'Allah. Les anges, les personnes pieuses, les prophètes, ce sont des serviteurs d'Allah. Ils adorent Allah et eux-mêmes, ils recherchent le moyen de se rapprocher d'Allah de par leurs adorations qu'ils vouent à Allah et de par leur grande obéissance à Allah le Très-Haut. Donc pourquoi ces anges, ces prophètes, ces personnes pieuses mériteraient-ils une quelconque adoration? Le serviteur, lui, c'est quelqu'un de pauvre qui a besoin d'Allah Azza wa Jal. Nous avons, nous, en tant que créatures, nous avons besoin d'Allah. D'accord? Le serviteur, lui qui est pauvre, il recherche la miséricorde d'Allah. Il craint son châtiment. Il implore lui-même Allah, afin que Allah le sauvegarde du châtiment et de la colère d'Allah, et en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc comment les anges, les prophètes, les personnes pieuses pourraient mériter l'adoration? Ils ne méritent pas l'adoration. Et eux-mêmes n'invitent pas les gens à leur adoration. Mais comme vous l'avez entendu, ils interdisent que les gens les adorent. وَدَلِيلَ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Et l'indication qu'il y en avait qui adoraient les pierres et les arbres, et la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens des versets 19 et 20 de Sourate al-Najm, que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. D'accord ? هذه سماها الشيخ الأشجار والأحجار. Ceci le cheikh les a dénommés les arbres et les pierres. Là j'ai pris le commentaire du cheikh Mohamed Amel Jami, rahimallah, parce que dans le commentaire du cheikh Ubayd Jabri, il n'a pas détaillé cette partie-là. D'accord, c'est pour ça que je suis resté jusqu'à la fin avec cheikh Mohamed Amel Jami, rahimallah. Donc ceci le cheikh les a dénommés les arbres et les pierres. أما اللات ليس بحجر ولا شجر بل كان رجلا صالحا يطعم الحجاج الذين يأتون من الجنوب ويمرون بطائف فيطعمهم وكان يجلس بجوار حجر كبير فلما مات بالغ فيه أهل الطائف فعبدوه فتحولت العبادة إلى الحجر الذي كان في جواره ولكن في أصل ليس بحجر. D'accord. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, le cheikh ici, ce sont les arbres et les pierres qui sont dénommés ici dans cette preuve-là. Et il avait dit que Lat, ce n'était pas ni une pierre ni un arbre. C'était un homme pieux qui, en fait, donnait à manger aux pèlerins qui venaient du sud. D'accord. Et qui passaient par Taif. Et donc il leur donnait à manger. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'asseyait à chaque fois d'une grande pierre, hein, que les gens ils pouvaient repérer. Et donc à chaque fois, il était tout le temps à côté de cette grande pierre. Lorsqu'il venait, il leur donnait à manger, il était tout le temps assis là. D'accord? Et lorsqu'il est mort, hein, les gens ils ont exagéré dans cela. Hein, sur les bonnes actions qu'il avait faites, ils ont exagéré. Et qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils se sont mis à l'adorer. Puis à adorer en fait cette pierre. Où est-ce que lui il était assis à chaque fois à côté. Donc ça s'est terminé en une adoration d'une pierre. C'est important ça, de retenir ça pour la suite. Inch'Allah. Lorsqu'on verra le hadith de Abi Waqil al-Layth. Donc, vous voyez comment que d'un homme s'est passé à l'adoration d'une pierre. Il commençait à l'adorer lui, parce que voilà, il a fait des bonnes actions et tout ça. Et puis après, avec le temps, les générations, et bien comme il était tout le temps à côté de cette pierre-là, ils se sont mis à adorer cette pierre-là. أما العزة كان هناك غابة وبيت فيه شيطانة جنية وهي التي كانوا يعتد بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإيمان وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم أحد كان يقول لنا العزة ولا عزة لهم هذا يقول هذا للصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قولوا الله الله مولانا ولا مولى لكم ولا مولى لكم هذه العزة لقريش. Donc العزة c'était en fait il y avait une forêt et une maison et en fait il y avait aussi comme un palmier. D'accord? Dans cet endroit-là, il y avait un diable. C'était en fait comme il va l'expliquer le shir. C'était parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enverra Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu pour aller détruire cet endroit-là que les gens adoraient. Parce que le Uzza, ça représentait cet endroit-là. Mais en fait, lorsqu'il a détruit Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu cet endroit-là, les arbres, comment ça s'appelle, la maison, tout ça, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit c'est bon, c'est fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, retourne. Et en retournant là-bas, il avait trouvé une vieille femme nue qui était en fait une djinnia. D'accord ? Une djinn femelle. D'accord ? Et donc, et c'est là qu'il l'a tué. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est bon là. Parce que les gens, ils adoraient cela. Et Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il faisait ? Avant qu'Allah azza wa jalla le guide à l'islam, et avant qu'il ne soit donc un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait nous avons l'Uzza. Et vous, hein, vous n'avez pas l'Uzza avec vous. Et le prophète, il disait ça aux sahabas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux sahabas de répondre, Allah azza wa jal, hein, est notre suzerain, notre seigneur, hein, celui, notre maître, et vous, vous n'avez pas de maître. D'accord ? Donc ça, c'est l'Uzza que Quraysh, ils adoraient, entre autres. وَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيدِ بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجر والغابة فعل ذلك ثم رجع فأخبر أنه فعل ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا فلما رجع وجد جنية على شكل عجوز فقتلها تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام. Donc c'est ce que je vous ai expliqué là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait ordonné à Khalid ibn al-Walid d'aller détruire cet endroit-là, et voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il dit le shir là, concernant tout cela, tout ce qu'on a vu là, hein? Kulluha fi waqi'iha shayatin tu'bad. Tout ça, en vérité c'est quoi? Ce sont des diables qui sont adorés. Des diables qui sont adorés. Les gens qui adorent les prophètes n'ont jamais demandé et n'ont jamais ordonné qu'on les adore. Ils ont refusé cela même. Et les gens, lorsqu'ils vont adorer, eh bien, en fait, c'est le diable qui leur a embelli cela. Ils sont en train d'adorer le diable, en fait. Hein? Qu'ils adorent les pierres, les arbres, les tombes, quoi que ce soit. « Qad takun ahjar ou ajjar ou ghaba ou bina, al bina yatakawan min al ajjar » أو من الأحجار ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجن هو الشيطان أو الجن. Donc vous voyez, lorsque les maisons, par exemple comme cette maison là dans la forêt qui a été détruite, d'accord, eh bien elle est constituée de pierres, d'arbres, comme cette forêt là qui avait, ça peut être soit des maisons, elles peuvent être construites soit en bois soit en pierre, d'accord, mais que ce soit des pierres ou des arbres, ce qui est adoré, ce sont des diables ou des djinns. D'accord ? Nous en arrivons à au hadith de Abi Waqid al-Laythi. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Et dans le hadith, on continue, il dit « Allahu Akbar, innaha sunan, latattabi'unna sanana man kana qablakum. » Donc, le hadith de Abi Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agré, qui dit « Nous sortîmes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour Hunayn, la bataille de Hunayn, alors que nous nous étions convertis depuis peu de temps. » Donc, il faut se rappeler de ça. « Alors que nous nous étions convertis depuis peu de temps. » Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Dhat Anwad. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes « Ô messager d'Allah, donne-nous un Dhat Anwad, tout comme eux en ont un. » Donc c'était quoi ça en fait? Ils avaient leurs armes. Ils les accrochaient sur cet arbre-là en espérant recevoir la baraka sur leurs armes. D'accord ? Donc ils pensaient qu'en mettant leurs armes, ils auront la baraka et tout ça, et donc ça les aidera dans la bataille. قال الشيخ فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Donc dans le hadith là, قال الله أكبر قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الإنكار الشديد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons-là, fraîchement convertis à l'islam, avaient dit « Ô messager d'Allah, donne-nous ce genre d'arbre-là pour qu'on puisse recevoir cette baraka-là, comme eux ils font », qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allahu Akbar, vous dites comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa alayhi salam, donne-nous, fais-nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. » Allah Azza wa Jal les a sauvés. Il leur a ouvert, les enfants d'Israël, il leur a ouvert la mer en deux. Moussa alayhi salam est passé. Les enfants d'Israël sont passés. Il les a sauvés de Pharaon et de son armée. Et ils arrivent et ils trouvent des gens en train d'adorer des statues et ils demandent à Moussa alayhi salam de leur faire des divinités comme ces gens-là ont des divinités. Subhanallah. Ils ont vu le signe de leurs yeux. Qu'ils marchaient sur une terre ferme. C'était plus l'eau là. Ils l'ont vu. Et malgré cela, ils disent quoi? Ils disent donne-nous des divinités comme. Fais-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le parallèle entre ça et ça. Donc le shir va expliquer. « Al-qawmu la yurid an takoun sidra ilahan ya'budunahu. Walakin aradu an takoun lahum sidratun yatabarrakuna biha kama yatabarraku al-mushrikuna bisidratihim. Walakin al-rasul sallallahu alayhi wa sallam shabbaha amalahum bi'amali bani Israel alladhina talabu an takoun lahum aliha. » Donc eux, en fait, ses compagnons qui étaient fraîchement convertis de l'islam, ils ne demandaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait l'arbre sur lequel ils pourraient mettre leurs armes afin de recevoir la baraka. Ils ne voyaient pas ça pour adorer cet arbre-là, contrairement aux polythéistes, d'une part, le premier point. Ils ne demandaient pas se mettre à adorer ces arbres-là, contrairement aux enfants d'Israël qui, eux, ont complètement demandé une adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. D'accord ? لماذا وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وسطة. Donc eux, en fait, lorsqu'ils ont demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voyait pas cela d'une part pour qu'il demande l'adoration de cet arbre-là, comme on l'a dit. D'accord ? Mais il voulait juste que ce soit comme les mushrikines là, pour qu'il y ait une baraka. لا يقصدون فيها النفع والضر. Ils ne voyaient ni que cet arbre-là allait leur donner un bien ou leur écarter un mal. D'accord ? ولكن, ça c'est important, ولكن في أولادهم لو تركت سوف تعبد. Voyez pourquoi, maintenant là on comprend pourquoi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur dans la comparaison avec les enfants d'Israël. Eux donc, comme j'ai dit, ils ne demandaient pas que d'adorer cet arbre-là, ou de faire cet arbre en tant que divinité. D'accord ? Ils voulaient juste en tant que recevoir la baraka. Mais le problème c'est quoi ? Vous vous souvenez ce qu'on avait de parler avec l'aide. Les gens, hein ? Lui, il faisait du bien, il est mort, et ils ont commencé à l'adorer. Puis après, là c'est encore pire, là. Les générations sont passées, ils se sont mis à adorer la pierre. Il était juste à côté. Là, le problème, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait rien dit, ça aurait pu semer le doute, hein, et que ça aurait pu être possible. Donc eux, ils ne voient pas ça comme une divinité, ceux qui sont présents de ce temps-là, mais ceux qui viennent par la suite. Et la science qui se perd, ils vont passer du fait que ça devient, hein, le fait de poser ça, ça devient de la baraka, à une adoration. Vous voyez le danger ? لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ونهاهم نهيا شديدا أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين. C'est pour ça que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a strictement interdit cela et qu'il est interdit aux musulmans de vouloir ressembler aux polythéistes. Vous voyez, à force de vouloir le ressembler, regardez, il se met à faire comme lui, hein? Même si lui son intention ce n'est pas d'adorer, hein? Et bien si lui commence comme ça, la génération qui va suivre après, il va dire, ben, j'ai vu faire comme ça, et ça devient une adoration. Donc لا يجوز أن يتشبه المسلمين بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذا مجرد التبرك. لأن البركة, ça c'est important ce qu'il va dire au cheikh, لأن البركة معناه الزيادة, الزيادة, البركة معناه الزيادة, والبركة من عند الله الذي يبارك الله للعباد في أعمالهم وأعمارهم وأموالهم وفي أولادهم. Donc ça, il a bien clarifié ici le cheikh. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'une part, en plus, c'est strictement interdit de rechercher la baraka dans une chose. Pourquoi ? Parce qu'il a dit la baraka, ça veut dire quoi ? La baraka, ça veut dire une augmentation de quelque chose. D'accord ? Le fait qu'Allah Azzawajal augmente telle ou telle chose à un individu. Mais il n'y a qu'Allah Azzawajal qui peut faire ça. Ce n'est pas un arbre, une pierre, une statue ou quoi que ce soit. Vous voyez pourquoi c'est strictement interdit ? Donc c'est pour ça qu'il avait dit, parce que donc la baraka, c'est indique, ça signifie l'augmentation d'une chose. Mais c'est Allah Azzawajal qui l'augmente à qui il veut. Il met la baraka dans l'âge, où est-ce qu'il lui faut augmenter son âge. La baraka dans les biens, où est-ce qu'il lui faut augmenter ses biens. La baraka dans ses enfants, il faut augmenter le nombre d'enfants par exemple. D'accord ? La baraka dans ses actions, il lui faut augmenter les... Il augmente à qui il veut les bonnes œuvres. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est strictement interdit de rechercher la baraka dans, hein, dans des créatures. وهذه الجمادات لا تملك شيئا لا تنفع ولا تضر وهذا الذي وقع فيه الكثير من المسلمين المتأخرين في هذا الوقت. Donc là il dit un point, il dit ces choses là qui sont dures, qui ne peuvent que, ce sont que des créatures, d'accord, ce sont que des créatures, elles ne peuvent ni nuire ni apporter un bien, d'accord, elles ne peuvent pas apporter l'augmentation. La baraka, il n'y a qu'Allah Azzawajal qui peut la donner. D'accord ? Il dit, le problème, c'est que de nos temps, il y a beaucoup de musulmans qui sont tombés dans ce type de polythéisme de nos jours. يبدأون بتعظيم واحترام خصوص بأهل البيت حتى يسلو بهم إلى عبادتهم والنظر لهم. Donc ils commencent avec quoi? Ils commencent avec cette équivoque là, cette choba. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on les respecte. On leur donne un haut statut. On les respecte. On n'est pas en train de les adorer, on est en train de les respecter, on leur donne un haut statut. Et ça se termine par quoi? Ça se termine par leur adoration. Il a dit, et spécialement dans Ahl al-Bayt, la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui ont exagéré dans cela. Comme les chiites. On les respecte, on les respecte, jusqu'à qu'ils en sont arrivés à les invoquer, les adorer en dehors d'Allah azza wa jalla. لذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لهذا الغرض. Donc c'est pour ça que c'est pour cette cause-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très strict et clair et sévère dans cela. Pour pas tomber dans ce que tombent d'autres individus. Il commence avec un respect et ça finit par une adoration, d'accord? هذا ما عليه كثيرا من المسلمين وهم يصلون ويصومون ولكن الجهل يقعون في هذا الأمر. Et ça, il a dit, c'est chez beaucoup de musulmans. Ils prient, ils jeûnent, mais les ignorants, ils tombent dans ce genre de cas. إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم فما بال الذين يعيشون بعيدين عن العلماء وأهل العلم لا أحد يبين لهم التوحيد والشرك يتخبطون أحيانا يشركون وأحيانا يوحدون وإذا ذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد رأيتهم يتأثرون وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله يتأثرون ويبكون وإذا ذكر عذاب النار يتأثرون بذلك وإذا قاموا من عندك وقعوا في الإشراك بالله إما بأنواع من الشرك الأكبر أو الأصغر ما معنى هذا التخبط الجهل ليس هناك شيء آخر. وقال الشيخ رحمه الله. Il a dit donc ça c'est l'état de beaucoup de musulmans de nos jours qui vont essayer de trouver une excuse. Ou de dire c'est par respect, non, on respecte, on donne de l'importance, et ils tombent dans du polythéisme. Donc il dit si c'était le cas des compagnons du prophète, alayhi sallam, qui eux étaient fraîchement convertis à l'islam, et il leur est arrivé cela, qu'en est-il des gens d'aujourd'hui qui vivent loin des savants et loin des gens de science? Qu'en est-il? C'était les compagnons, subhanallah. Les meilleures créatures après les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et eux, vous voyez, sans demander à ce qu'ils ne voyaient pas ça pour l'adorer. Ils venaient comme ils étaient fraîchement convertis. Ils pensaient que voilà, il n'y avait pas de problème dans cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a clarifié la chose. Vous voyez, alors qu'en est-il de nous aujourd'hui? On est loin, subhanallah. Qu'en est-il de ceux qui vivent loin des gens de science et loin des savants? Loin des gens de science et loin des savants. Qui n'ont pas quelqu'un qui leur clarifie le tawhid d'Allah, le pur monothéisme. Qui leur clarifie le shirk, c'est quoi? Qui leur clarifie le polythéisme, c'est quoi? D'accord? Alors, il a dit le shirk, cependant, une fois, ils vont être monothéistes et une fois, ils vont tomber dans le polythéisme. Cependant, si tu leur dis, tu leur lis des passages concernant le jour du jugement, ils vont être touchés. Parce qu'ils croient en cela. D'accord? Ce sont des musulmans qui croient en cela. Mais ils tombent dans du polythéisme. Ils n'ont pas quelqu'un qui leur éclaire cela. D'accord? Mais si tu leur dis des passages sur le jugement dernier, ils vont être touchés par cela. Si tu leur mentionnes sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comment il était, et sa description, ils vont être touchés par cela. D'accord? Et ils vont même pleurer. D'accord? Lorsque tu leur rappelles sur le châtiment du feu, ils vont être touchés par cela. ils vont avoir peur. Cependant, lorsqu'ils se lèvent de ces rappels-là, et ils partent dans leur vie de tous les jours, ils retombent dans l'associationnisme à Allah Azza wa Jalla. Alors que si tu leur mentionnes tous les versets sur cela, sur le danger de ça, ça, ça, ça, ils vont être touchés, ils vont avoir peur. Tu leur racontes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont pleurer, parce qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Mais parce que ça, le problème c'est quoi ? Il a dit donc, c'est quoi le problème dans tout cela ? À quoi c'est dû tout cela ? Il a dit c'est l'ignorance. C'est l'ignorance, et il n'y a pas d'autre chose d'autre, à part cela. Parce que lorsqu'ils quittent les assemblées de science, lorsqu'ils ont reçu ce rappel-là, et après ils retombent dans cela, eh bien c'est l'ignorance, d'accord ? Qui font qu'ils se mettent à faire du polythéisme majeur ou mineur. فعلى طلاب العلم الحرص كل الحرص كل الحرص على إنقاذ هؤلاء بالعلم لا شيء ينقذهم إلا العلم لأن الجهل هو السبب بهذا. Donc le cheikh dit, donc c'est pour ça aux étudiants de sciences qui doivent faire leur maximum, d'accord, et leur possible pour essayer de sauver inchallah ces gens-là. Avec quoi ? Avec la science, avec le savoir. Parce que rien ne les sauvera à part le savoir. Parce que l'ignorance est la cause du fait qu'ils tombent dans du polythéisme. D'accord ? ومن أصحاب الجهل كثرة علماء السوء الذين يزينون لهم هذا الموقف. Et le problème de cela, c'est quoi ? Qui sont ces compagnons de l'ignorance-là ? C'est qui ceux-là ? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ce sont les savants, les prédicateurs aux portes de l'enfer. Ceux en fait qui vont embellir les actes de polythéisme que les gens font en leur trouvant des excuses, comme on va voir. D'accord ? Wa yuqirrunahum ala hadha at-tasarruf wa yufassilunahum hadhihi al-ashya bi mahabbati as-salihin wa ta'dhim as-salihin. Vous voyez la chouba qu'ils font. C'est qu'ils vont en fait, ces prédicateurs-là, aux portes de l'enfer. Comment ils vont égarer les gens ? Ils vont essayer de leur embellir leur acte de polythéisme en leur disant « Non, parce que c'est un amour que vous vouez à ces gens pieux. » Tu vois ? Et si tu leur dis « Non, il est interdit », ils vont dire « Mais attends, mon cheikh, il a dit ça. Et toi, tu détestes les hommes pieux parce que tu veux pas que... » Hein ? Subhanallah, rahmakallah. Donc, et le problème en plus, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils leur embellissent en leur disant que c'est pour aimer les hommes pieux et puis leur donner un haut statut. D'accord ? وَيَنْهَوْنَهُمْ مِنْ دُعَاتِ الْحَقِّ أَمَمْ الْعَوَامِ. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est que devant, en fait, les gens de la masse, eh bien, ils se mettent à mettre en garde contre les prédicateurs qui sont sur la vérité. Ils leur disent, attention, faites attention à cela. Ne les écoutez pas, d'accord ? Ne les écoutez pas surtout, d'accord ? Parce que ces gens-là, ils détestent les gens pieux, ils détestent je ne sais pas quoi, et ils vont leur, vous aimez les gens pieux, vous leur donnez un haut statut, d'accord ? Donc ne les écoutez. Eh bien, ils font fuir les gens, en fait, de la vérité par cela. Mushkilat ulama as-su hum as-sabab fi dhi'a kathiran min al-muslimin fi jahlihim wallahu al-musta'an. Il a dit, et le problème, donc, ce sont ces prédicateurs, donc, aux portes de l'enfer, ces savants qui ne veulent que les choses mauvaises, les savants de la mauvaise chose, on va dire, qui font fuir les gens de la vérité et leur embellissent, en fait, ce qui est mauvais. D'accord ? Al-qa'idatu al-rabi'a, on va terminer, inshallah. Il nous reste 6 minutes, inshallah. Ouais, je chronométrerai, d'accord. Anna mushriki zamanina أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا يشركون شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. La quatrième règle, c'est quoi ? C'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens. Car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Lorsqu'ils étaient bien, eh bien, ils se mettaient à associer à Allah Azza wa Jal. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Ceci est indiqué par la parole d'Allah, dans la traduction du sens du verset 65 de Surat Al-Ankabut, l'araignée, pour traduire. Quand ils montent en bateau, les polythéistes, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. S'ils ont peur là, ils ne se remettent qu'à Allah Azza wa Jal. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. D'accord ? En effet. Donc ici, il y a, c'est pour ça que j'aimerais terminer, Inch'Allah. Il y a un point très très important, que celui qui lit cette règle-là comme ça, il ne la verra pas. Vous voyez l'importance de chaque fois de revenir aux ulémas, aux savants de la science, alhamdoulilah, parce que, mashallah, le Cheikh Mohammed Al-Jem, il a très très bien clarifié ce point-là. Parce qu'en fait, en le lisant, les gens le mettraient pour une portée générale, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une portée générale, ça. Mais c'est bien spécifique. Donc, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ آلِهَتَهُمْ الَّتِي تَرَكُوهَا فِي الْبَرِّ لَا تَنْفَعُهُمْ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ لو حصل الغرق أو أي شيء لا تنفعهم ولكن يخلصون الله لله العبادة. Parce qu'en fait, eux, les divinités qu'ils ont laissées sur la terre ferme, lorsqu'ils prennent le bateau, d'accord, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Parce qu'en fait, les statues, tout ce qu'ils adorent, les divinités en dehors d'Allah, ils les ont laissées sur la terre ferme. Donc là, ils ont pris le bateau. Ces divinités-là ne sont plus avec eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont plus les divinités avec eux, ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jal seul. Parce que si, le problème c'est que s'ils se noient, leur divinité elle est sur la terre ferme, elle ne peut pas les aider. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils s'en remettent qu'à Allah Azza wa Jal. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Et une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qui lui donne des associés. فَكَيْفَ حَالَ الْمُشْرِكِينَ مُشْرِك زَمَانِنَا مُشْرِكَ زَمَانِنَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ رَكِبَ مَعَهُمْ فِي الْفُلْكِ يَجِدُهُمْ لَا يَقُولُونَ يَا اللَّهُ حَتَّى فِي حَالِ الْخَوْفِ مِنْ الْغَرَقِ. Ça, c'est Cheikh Mohammed Ibn Jami, rahimahullah, qui l'a dit, il a témoigné lui-même. Il était dans un bateau, justement. Hein, il était dans un bateau, il l'a décrit lui-même, il a dit, croyez-moi, j'étais dans un bateau, aucune des personnes disait, Ya Allah. Il a dit quoi? Il a dit, Ya'taqiduna, anna fil bahri, fihi waliyun, wa shaykh al bahr, khassan, alladhi yad'una shaykh al bahr, wa wali al bahr, wa wali al bar, wa yutrikunahu li an, yani, وَيُتْرِكُونَهُ لِأَنَّهُمْ فِي الْبَحْرِ فَيَدْعُونَ وَلِيَ الْبَحْرِ. Donc, يُتْرِكُونَ وَلِيَ الْبَرْ وَيَدْعُونَ وَلِيَ الْبَحْرِ. Il a dit, je l'ai témoigné, j'étais dans un bateau, personne ne disait, Ya Allah. Parce qu'il croit qu'il y a un allié d'Allah dans la mer, et un sheikh de la mer, qui contrôle la mer. Et il croit qu'il y a un wali sur en terre ferme, et qu'il y a leur sheikh de la terre ferme. Donc lui commande la terre ferme, lui commande, à croire que c'est la mythologie grecque, Poséidon, Starfellallah, le dieu de la mer, des océans. Donc eux, ils croient qu'il y a un cheikh de la terre ferme et de la terre et de la mer. Donc ils invoquent le wali et le cheikh de la mer. Et il n'y en a aucun sur le bateau qui disait Ya Allah. Il a dit, je l'ai témoigné, je l'ai entendu et je l'ai vu. Subhanallah. Cependant, ما يقع فيه on va essayer de terminer inchallah parce qu'il reste plus beaucoup. ما يقع فيه المنتسبون الى الاسلام الذين يشركون بالله تعالى على جهل اكبر واغلظ من شرك الاولين. Donc là il dit, sur quoi tombent les polythéistes de nos jours, ceux qui s'affilient à l'islam? Ils s'affilient à l'islam, dans quoi ils tombent? Il tombe dans un polythéisme qui est pire que le polythéisme des gens d'avant. Parce que les gens d'avant, comme on disait, leur divinité, ils disaient que leur divinité était sur terre, donc dès qu'ils prennent la mer, elles ne sont plus avec eux, donc ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jalla seul. Mais ceux de nos jours, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté, dans tous les cas, ils vont invoquer autre qu'Allah. Et dès qu'ils sont en mer, ils vont invoquer le shaykh de la mer ou le wali de la mer. Inna al-mushrikin al-awwalin ankaru risalat Muhammad. Donc là, il donne l'éclaircissement. Donc l'erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on lit. Inna al-mushrikin al-awwalin ankaru risalat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa adawhu wa ha'ulai, yani les mushrikin yani fi zamanina ha'ulai yu'minuna bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bi risalatihi wa yu'minuna bil jumla bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala jahlin. Donc, c'est ça qui diffère. Il dit, d'une part, les polythéistes du temps d'avant, eux, ils ne croyaient pas au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croyaient pas, et ils le combattaient, et ils lui faisaient du mal. Tandis que ceux qui s'affiliaient à l'islam de nos jours, eh bien, ils tombent dans du polythéisme. Cependant, eux croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit à son message en général, il croit avec tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu en général. Donc eux, ils croient. Déjà, ça c'est le premier point qui fait qu'ils diffèrent. D'accord ? Et ils croient en général au Coran. Concernant les autres, ils ne croyaient pas. D'accord ? وَيُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا يَجْرِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَاءِ وَالْعَذَابِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ يُخَالِفُونَ بِهَا الْمُشْرِكِينَ الْأَوَّلِينَ. Donc en fait, eux, le fait qu'en plus ils croient au Coran dans sa globalité, ils croient que le fait qu'ils vont se faire, et il va y avoir une résurrection, d'accord ? Et qu'on devra rendre des comptes, et qu'on se fera juger. C'est déjà, ça se diffère aux polythéistes d'avant, parce qu'ils ne croyaient pas du tout au message, d'accord ? Donc il les diffère dans cela. Il y a une différence entre les polythéistes contemporains et leurs prédécesseurs. لذلك لا نأخذ هذا الكلام على العموم. C'est très important. بل ينبغي أن نقيد أن نقيده في هذه الزاوية مع الحلوليين والجهمية. شيخ الإسلام قال لهم لو كنت أنا معاكم لو كنت مكانكم يعني لحكمت على نفسه بالكفر. Donc, là, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit un point important. Il dit donc, il ne faut pas prendre dans sa généralité le texte qui est écrit en disant que les polythéistes de notre temps sont pires que les polythéistes des temps avant. Et l'appliquer dans tout. C'est pas correct. Mais c'est restreint au fait qu'il a l'invocation. D'accord ? C'est restreint en fait à la vocation, parce qu'on a vu les différences qu'il y a. Et il a mentionné aussi le point ici qu'il y a une différence. Il y a certains savants, il y a plusieurs savants, qui disent que celui qui pratique du polythéisme majeur en étant ignorant, eh bien l'ignorance n'est pas une excuse. D'accord ? Donc il y a plusieurs savants qui disent que celui qui commet du polythéisme majeur, qui exclut l'islam, avec ignorance, l'ignorance n'est pas une excuse. Et le Cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, il avait expliqué aussi que la position de Cheikh l'islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui avait rencontré le Jahmiyyah, d'accord, et qui avait rencontré le Hululiyin. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, il les a pas rendus mécréants. Mais il leur a dit, si moi j'étais avec vous, à votre place, je me considérerais comme étant un mécréant. D'accord ? Et ensuite il leur a dit, mais vous ne savez pas, vous êtes des ignorants. Donc il a spécifié le fait qu'il aurait été à leur place, il serait considéré comme un mécréant. Mais il leur a dit, mais vous êtes des mécréants. Il voulait pas faire le takfir sur eux. Des ignorants. C'est la fatigue, subhanallah. Donc il a dit, si j'étais à votre place et j'étais avec vous, je me serais considéré comme étant un mécréant. D'accord ? Mais il a dit, mais vous, vous êtes des ignorants. D'accord ? Vous, vous êtes des ignorants. Donc il n'a pas fait le takfir sur eux. D'accord ? Il a dit, donc Cheikh Mohammed Ibn Jami, rahimallah, il a dit que donc certains savants voyaient le fait que l'ignorance, il faut montrer à la personne et il faut clarifier toutes les choses pour qu'elle connaisse. Il a dit, lorsque toutes les preuves sont apportées à une personne et que tout a été clarifié, mais cet individu-là dit, non, je reste sur ce qu'était la croyance de mes ancêtres et je continue à faire ce que je faisais, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. D'accord ? Par contre, celui qui ne sait pas et que, dont les choses n'ont pas été clarifiées, on ne peut pas se précipiter au jugement de la mécréance. Il a dit alors qu'il y a d'autres groupes de savants qui disent que l'excuse de l'ignorance ne se fait que fil furu', que dans les branches de l'islam, et non fil usul, et non dans les fondements. L'excuse de l'ignorance est acceptée dans les branches de l'islam, et non dans les fondements. Si une personne, donc certains groupes de savants disent, si une personne commet un acte de polythéisme dans les fondements, même si elle est ignorante, eh bien c'est une mécréante, parce que l'ignorance n'est pas une excuse. Après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus personne n'a le droit de dire que c'est voilà pourquoi. Ils disent dans les fondements, non. Dans les branches, le fait que dans la façon de faire la salat, il s'est pas été étudié, il n'a pas éduqué rien du tout, ou quoi que ce soit, tu vois, c'est différent. Donc, mais eux, ils disent dans les fondements, non. Tandis que dans les branches, l'ignorance est une excuse. D'accord ? Jazakum Allah khair. Donc on a terminé, alhamdoulilah, l'explication des quatre règles, et puis on commencera donc... Inch'Allah, l'Iman Billah ou bien les annulatifs de l'Islam la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.